الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa auladi adam wa hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ايها الاخوه والاخوات في الاسلام après ceci mes frères mes sœurs en islam احباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé Mohammed al-Mustafa عليه افضل الصلاه وازكى السلام pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations كثير من الناس يشتكون beaucoup de gens se plaignent واحد يشتكي من مرضه لا se plaint de sa maladie. Wa akhar yashtaki min faqrihi, un autre se plaint de sa pauvreté. Wa akhar yashtaki min du'fihi, et l'autre se plaint de sa faiblesse. Wa akhar yashtaki min jarihi, un autre se plaint de son voisin. Wa akhar yashtaki min sadiqihi, et un autre se plaint de son ami, son meilleur ami l'a trahi. وآخر يشتكي من أولاده et un autre se plaint de ses enfants. وآخر يشتكي من والديه et un autre se plaint de ses parents. وآخر يشتكي من الناس من كل الناس, un autre se plaint de tous les gens. وآخر يشتكي من الغلاء et un autre se plaint de la cherté de la vie. وآخر يشتكي من زوجته et un autre se plaint de sa femme, son épouse. Et une autre se plaint de son mari. Un autre se plaint de son patron, de son directeur. Et un autre se plaint de ses employés. Chacun se plaint de l'autre. وهنا أقوم بثلاثة ملاحظات. Là, je vais formuler trois remarques. أبدأ بالأولى. Je commence par la première. الأمور التي يشتكي منها الناس, les choses dont les gens se plaignent, تسمى ابتلاء, s'appelle des épreuves, s'appelle des tests. ابتلاء آت من طرف الله, des tests venant de la part de Dieu. وَالدَّارُ الدُّنْيَا دَارُ ابْتِلَى, la vie ici-bas est une maison de test, d'épreuve. وَالدَّارُ الْآخِرَةِ دَارُ جَزَى, et la maison ultime de l'au-delà est une maison pour la récompense. وُجُودُكَ فِي الدُّنْيَا, ton existence dans la vie ici-bas, يعني أَنَّكَ فِي امْتِحَانٍ, signifie que tu es dans un grand examen, dans un grand test, des tests successifs. امْتِحَانٌ دَائِمٌ بِدَوَامِ حَيَاتِكَ, une épreuve, un test, un examen durable selon la durée de ta vie. الْإِنسَانُ يُحِبُّ الْحَيَاةَ حُبًّا كَبِيرًا, l'individu, l'homme avec grand H, aime un amour fou, la vie. ولكن ينسى أن الحياة ما هي إلا فترة ابتلاء. Mais ils oublient que la vie, que lui normalement il aime un amour fou, la vie n'est qu'une période de tests et d'examens et d'épreuves. والذي يبتلي هو الله, et celui qui éprouve s'appelle Allah. ينوع لعباده الابتلاءات, il varie pour ses serviteurs les épreuves et les tests. مرض, une maladie. فقر, une pauvreté, ضعف, une faiblesse, فراق, une séparation, موت, un décès, إلى آخره, etc. المؤمن يرى في كل ابتلاء توقيعا لله. Le croyant regarde à travers chaque épreuve une signature d'Allah. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Qala ta'ala fi ayatin qur'aniyah. Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana. Kull al-masa'ib allati ta'ti katabaha Allah lana wa lan yusibana ghayruha. انتهت القضية. هذا المسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Dit jamais nous ne serons touchés que par ce que Dieu nous a préécrit. وقال تعالى, Dieu dit dans un autre verset coranique, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض امتحان ابتلاء. أولادك ابتلاء لك, هكذا جعل الله. زوجتك ابتلاء لك, زوجك ابتلاء لك, صديقك ابتلاء لك, مديرك ابتلاء لك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله من بعد يقول أتصبرون, واش غتصبروا؟ أتصبرون وكان ربك بصيرا. ربك يرى كيف تتعامل في الفتنة. Dieu dit dans un verset, nous fîmes de vous une épreuve les uns pour les autres. Donc le père est une épreuve pour ses enfants, les enfants est une épreuve pour le père, la femme une épreuve pour le mari une épreuve pour la femme, etc. L'ami est une épreuve pour son ami. Nous fîmes de vous une épreuve les uns pour les autres, seriez-vous patient? Dieu nous demande, est-ce que vous serez à la hauteur? Est-ce que vous serez patient devant l'épreuve? Wa kana rabbuka basira, et ton Seigneur voit très clair. Rabbuka yabtalik, ton Seigneur t'éprouve. Wa yatlubu minka as-sabr war-ridha 'inda al-ibtila, et il te demande de t'armer de la passion et de l'agrément, la satisfaction lors de l'épreuve, lors du test. Wa yanzur ilayka fil musiba, et il te regarde de près lorsque tu passes par le malheur ou l'épreuve. Wa kana rabbuka basira, et ton Seigneur voit tout clair. Liyara kayfa ta'mal, afin qu'il regarde comment vas-tu réagir lors de l'épreuve. Akhi ukhti, frère sœur, rabbuka yarak fil musib, ton Seigneur te regarde de près lors de l'épreuve. Fa hal anta tarahu fil musib, mais toi, mon frère ou ma sœur, est-ce que tu le vois lors de l'épreuve? Lui, il te voit certes, mais est-ce que toi, tu le vois lors de l'épreuve? Hal taqoul, est-ce que tu dis, Ya Rabb, ô Seigneur, inni a'rif yaqinan, je sais avec certitude, an al-ibtila ata minka, que l'épreuve est venue de ta part. Ya Rabb, inni sabir, ô Seigneur, me voici patient. Ya Rabb, inni radin anka, ô Seigneur, je suis pleinement satisfait de toi pendant cette épreuve. La ilaha illa ant, il n'y a aucune divinité à part toi. Subhanak, gloire et pureté à toi. Inni kuntu min adh-dhalimin, je faisais partie des injustes. Al-mulahadha al-thaniya, la deuxième remarque. الذي يشتكي إلى الناس من مصائبه, celui qui se plaint aux autres, aux gens, de ses malheurs. هذا دليل على أنه لا يرى الله عند المصيبة. Ceci est un argument comme quoi celui-ci ne voit pas Dieu lors de l'épreuve. لم يفهم أن المصيبة آتية من الله. Il n'a pas compris que l'épreuve, le malheur, est venu de la part de Dieu. Il pense que ce sont les gens qui font ce qu'ils veulent. الذي يشتكي إلى الناس إنما يشكو ربه عند الناس. Celui qui se plaint aux gens, il ne fait que plaindre son Seigneur Allah auprès des gens. Yashkul Khaliq inda al-makhluqat. Il se plaint du Créateur auprès de ses créatures. Wa madha yastati'u an yaf'ala al-makhluqat amama iradati Allah? Et que peuvent-elles faire toutes les créatures devant la volonté du Créateur Allah? Sur'at ash-shakwa ila an-nas دليل على عدم الصبر وعدم الرضا. La rapidité de la plainte auprès des gens est une preuve du manque de patience et du manque d'agrément ou de satisfaction. لو اجتمع الناس كلهم لإعانتك في محنتك لما استطاعوا من غير إذن إلهي. Dans le cas où toute l'humanité se réunit pour t'apporter secours lors de ton épreuve, l'humanité ne pourrait pas le faire sans l'autorisation de Dieu. اكتشف ولد أن والده أعمى لا ينظر بعين. Un fils a découvert un jour que son père ne voyait pas avec un œil. فقال له الأب, et le père lui dit, Ya waladi, ô mon cher fils, inni la ara bi'ayni mundu 40 sana, walakinni lam aqulha li ahad hatta li ummik. Ô mon cher fils, je ne vois pas avec cet œil depuis 40 ans et je l'ai dit à personne, même à ta maman. الصبر والرضا, la patience et la satisfaction. تخيل رجلا دائما يضحك. Imagine avec moi un homme musulman qui rit toujours, toujours il y a le sourire sur son visage. لا يشتكي من أي شيء, il ne se plaint de rien, d'aucune chose. من رآه يقول سبحان الله, هذا ما عنده مشاكل. Celui qui le voit ou celle qui le voit ou celle qui la voit dit subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Celui-ci ou celle-ci n'a aucun problème. Comment se fait-il? وَلَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ غَارِقٌ فِي الْإِبْتِلَاءَاتِ. Mais en réalité, il est noyé dans des océans d'épreuves et de tests. وَاحِدَ بَعْدَ الْأُخْرَى. Une épreuve après l'autre. وَلَكِنَّهُ لَا يَشْتَكِي إِلَى النَّاسِ. Seulement, il ne se plaint pas aux gens. يشتكي فقط إلى الله. Il se plaint uniquement à Allah. هذا أفضل الناس. Tel est le meilleur des gens. يعقوب عليه السلام. Jacob, prière et salut sur lui. ابيضت عيناه من الحزن. صار أعمى. ابيضت عيناه من الحزن على فراق يوسف عليه السلام. Jacob, prière et salut sur lui. Ses yeux blanchirent. Ça veut dire il ne voit plus avec ses yeux. Blanchirent par le chagrin devant la séparation avec son fils bien-aimé Joseph, prière et salut sur lui. هل اشتكى عند الناس? Est-ce qu'il sait ou s'est-il plaint auprès des gens? تقول الآية, le verset coranique dit, قال يعني يعقوب إنما أشكو بثي همي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Il dit, c'est à Dieu seul que je plains ma tristesse et ma douleur. إذا عرفت أن الناس ضعفاء فلماذا تضيع كلامك معهم? Si tu as compris que les êtres, les humains sont faibles, pourquoi tu perds le temps, tu perds tes paroles avec eux? كما قالوا, comme ils l'ont dit, الشكوى لغير الله مذلة. La plainte, comme ils l'ont dit, la plainte en dehors de Dieu est une grande humiliation. واحد يقول من بعدك مسكين. L'un après ton départ, il va dire oh le pauvre. وواحد سيقول لماذا يصدع رأسي أنا? لماذا يكسر رأسي بمشاكله? Et l'autre va dire après ton départ, pourquoi il me casse la tête avec ses problèmes? بدل أن تبكي أمام الناس. Au lieu de pleurer devant les gens, وهذه المدلة, et là c'est l'humiliation, ابكي أمام الرحيم الرحمن, وهذه عبادة, pleure devant le miséricordieux, le tout miséricordieux, et là c'est une adoration. بدل أن تطلب الضعفاء, au lieu de demander aux pauvres, aux faibles, وهذه مدلة, et c'est une humiliation, اطلب القوي العزيز, demande tout puissant, le très fort, وهذه عبادة, et il s'agit là d'une adoration. تكلم معه, parle avec lui. في وحدتك, pendant ta solitude. وَعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكَ Et sache qu'il est en train de voir. وَيَسْمَعُكَ Et qu'il est en train de t'entendre. وَقَادِرْ عَلَى حَلِّ مُشْكِلَتِكَ Et sache qu'il est pleinement capable de résoudre ton petit, ton minuscule problème pour lui. كَلَامُنَا الْيَوْمَ لَا يَعْنِي أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَصِفُ أَلَمَهُ لِلطَّبِيبِ Notre parole d'aujourd'hui ne signifie pas que le malade ne doit pas décrire sa douleur au médecin. أَوْ أَنَّ الْمَظْلُومَ لَا يَصِفُ مُشْكِلَهُ لِلْمُحَامِي أَوْ الْبُلِيسِ Ou que la victime d'injustice ne confie pas ou ne parle pas ou ne décrit pas son problème à l'avocat ou à la police. أو أن الإنسان لا يتكلم مع أولاده أو أصدقائه المخلصين لحل المشكلة. Et ne signifie pas que l'individu ne doit pas parler avec ses enfants ou avec ses amis, s'il y en a, ses amis sincères pour résoudre son problème. فإن يعقوب عليه السلام Jacob prière et salut sur lui. بعد أن قال بأنه لا يشكو حزنه إلى الله Après qu'il a dit qu'il ne se plaint de ses problèmes ou de sa douleur ou de son chagrin qu'à Dieu قال في الآية بعدها Il a dit dans le verset suivant يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من فرج الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون Il dit Oh mes fils, allez vous mettre aux écoutes des nouvelles de Joseph et de son frère et ne désespérez pas de la clémence de Dieu car seuls les négateurs désespèrent de la clémence de Dieu. Jacob عليه السلام Jacob prière et salut sur lui chaque كانت لله وحده sa plainte ou ses plaintes étaient adressées uniquement à Allah ولكن في حل المشكلة استعان بأولاده mais pour résoudre le problème il s'est fait aider par ses enfants وهذا ما يسمى اتخاذ الأسباب et c'est ce qu'on appelle en islam l'utilisation des moyen اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واوصيكم ونفسي بتقوى الله et je vous recommande et à moi-même la piété de Dieu واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu الملاحظة الثالثة والأخيرة la troisième et dernière remarque رأينا بأن الناس يشتكون من مشاكل الدنيا وهي عادية ضعف مرض فقر كل شيء هذا عادي Nous avons vu que les gens se plaignent des problèmes de la vie ici-bas ces problèmes qui sont ordinaires normaux faiblesse maladie pauvreté licenciement etc divorce etc ولكن من منا يشتكي من المشاكل الخطيرة المشاكل الحقيقية. Mais la question qui se pose, qui parmi nous tous se plaint des vrais problèmes, des problèmes dangereux. من منا يأتيك يبكي بكاء الطفل. Qui parmi nous qui te vient en pleurant comme des pleurs d'un bébé. ويقول لك عندي مشكل كبير. Et te dit j'ai un grand problème. لم أصلي صلاة العصر في الوقت. Je n'ai pas fait la prière de l'asr à l'heure. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما ضيع ماله وأولاده. Et celui qui rate la prière de l'asr, c'est comme s'il a raté tous ses biens et tous ses enfants. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Comme l'a dit le messager, prière et salut sur lui. الذي يذهب كل ماله وكل عائلتي. Imagine celui qui perd à la fois toute sa fortune, qu'il a amassé pendant toute sa vie. Et toute sa famille, tous les membres de sa famille sont perdus. Un tremblement de terre ou autre. Et il passe sa nuit dans la rue. Bila mal wa la aila, sans bien, sans enfant. Kayfa yakunu buka'u, comment sera-t-il lors de ses larmes et ses pleurs? Falimada la yabki alladhi la yusalli as-salawat fi al-waqt, pourquoi ne pleure-t-il pas celui qui n'accomplit pas les prières à l'heure? Et le prophète nous a donné la parabole, à qui ressemble-t-il? Man minna ya'ti bakiyan buka'a at-tifl, qui parmi nous il vient avec des pleurs comme des pleurs d'un gamin? ويقول عندي مشكل كبير, il te dit mon frère, ou elle te dit ma sœur, wallahi j'ai un grand problème. Quel est ton problème? ما هو مشكلك؟ عندما اقف امام الله في الصلاه لا احس بالخشوع, lorsque je me tiens devant Dieu dans la prière, je ne ressens pas le khushu, je ne ressens pas l'humilité et le recueillement. وربنا يقول, et Dieu dit dans un verset coranique, قد افلح المؤمنون, يعني فقط قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, les croyants, Dieu dit, les croyants qui ont bien récolté le succès sont ceux qui se recueillent profondément dans leur prière. منع من الخشوع في الصلاة, مشكلة حقيقية, une interdiction de se recueillir pendant la prière est un vrai problème, est un problème dangereux. من منا يأتي باكيا بكاء الطفل, qui parmi nous vient avec des larmes qui ressemblent à celles de l'enfant à bas âge. ويقول عندي مشكل كبير, il dit j'ai un grand problème, لا أستطيع النوم معه, je n'arrive même pas à dormir avec ce problème. عندما أقرأ القرآن لا أتدبر آياته, lorsque je récite le Coran, lorsque je lis le Coran, je n'arrive pas à méditer sur ces versets. عندي قفل يا أخي أو أقفال على قلبي, j'ai un cadenas ou plusieurs cadenas sur mon cœur. ولا أستطيع تحرير قلبي من الأقفال, et je suis incapable de libérer mon cœur de ces cadenas. وربنا يقول, et notre Seigneur dit dans un verset coranique, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou est-ce que certains cœurs portent leur propre cadenas? قلب ممنوع من التدبر للقرآن, un cœur interdit de la méditation coranique. هذه مشكلة خطيرة, il s'agit là d'un problème dangereux. وواحد يبكي لأنه ناس لله, un autre pleure parce qu'il a il oublie Dieu. وربنا يقول, et Dieu dit, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون, et notre Seigneur dit, ne soyez pas comme ceux qui ayant oublié Dieu, Dieu leur a fait oublier leur propre personne, ce sont ceux-là les dévergondés. نسيان الله فسوق, مشكل كبير, l'oubli de Dieu dans cette vie est une perversité, un grand problème. وواحد آخر يبكي, et on trouve qu'un autre pleure, لأنه لا يقوم الليل, parce qu'il ne veille pas la nuit par les prières. وآخر يشتكي لأنه لا يصوم, un autre se plaint parce qu'il ne jeûne pas. وآخر يشتكي لأنه يقوم بالغيبة, il y a un autre qui se plaint parce qu'il commet la médisance. وأخرى تشتكي لأنها لا تحمل الحجاب, et une autre qui se plaint parce qu'elle ne porte pas le voile, إلى آخره, etc. نحن خلقنا لعبادة الله, nous on a été créés pour l'adoration, uniquement l'adoration de Dieu. هذا هو الهدف من خلقنا, tel est le but de notre création. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. فتقصيرنا في واجبنا لا يبكينا, notre négligence à nos devoirs ne nous font pas pleurer. ولا يدفعنا للشكوى, et ne nous pousse pas à nous plaindre. ومشاكل الدنيا العادية العابرة, et les problèmes normaux, ordinaires de la vie ici-bas, تبكينا, nous font pleurer. وتجعلنا نشتكي يمينا وشمالا, et nous poussent à nous plaindre à droite, à gauche, j'ai perdu le travail, j'ai divorcé. هذه هي المفارقة المدهشة. Telle est la contradiction étonnante. وكل هذا من الشيطان. Et tout cela vient de الشيطان. عدو الإنسانية. L'ennemi numéro un de l'humanité. أخي أختي. Frère, sœur. كما تضرك مشاكل الدنيا وتبكيك. Exactement comme les problèmes simples, normaux, ordinaires de la vie ici-bas te font mal, te font beaucoup mal et te font pleurer. ولا تطمئن حتى تجد لها حلولا. Et tu ne t'apaises que lorsque tu trouves pour eux des solutions. افعل نفس الشيء تماما وأكثر أمام مشاكل الدين. Mon frère ou ma sœur, fais la même chose ou plus avec les problèmes de la vie, de la religion. يجب أن نتألم أمام تقصيرنا في الدين. On doit souffrir devant notre négligence religieuse وأمام ذنوبنا et devant nos péchés. ولا نطمئن حتى نجد حلولا. Et on ne doit pas nous apaiser avant de trouver des solutions. فمن كان همه الكبير مثلا الخشوع. Celui qui a pour grand souci le khushu, le recueillement dans la prière, fi salat, daiman yufakkir fi, toujours il pense à cela. La budda an yasila fi yawm min al ayyam ila al khushu. C'est sûr et certain, comme il pense jour et nuit à ce problème, un jour il va se rappeler, se recueillir dans la prière jusqu'à sa mort. Wa man kana hammuhu al kabir huwa nisyan Allah, celui qui a pour grand souci l'oubli de Dieu. Daiman yufakkir fi hadha shay, limada ansa Allah fi hayati, toujours il pense à cela, pourquoi j'oublie Dieu après une minute ou plus. La budda an yasila ila dhikrillah, sûr et certain il atteindra l'évocation de Dieu et le nom oubli de Dieu. Wa hakada, et ainsi de suite. Wa fil akhir, et à la fin, إننا في الجمعة الأولى من شهر أبريل. On est dans le premier vendredi du mois d'avril. وفاتورات المسجد بعد هذا الشتاء البارد والطويل تدفع للشكوى لله. Et les factures de la mosquée après ce grand et ce long hiver qui est difficile et rude, ces factures poussent à la plainte à Dieu subhanahu wa ta'ala. وتدفع لطلب المساعدة من المسلمين, et pousse à demander l'aide aux musulmans. يعني فقط الكهرباء 2500 euro في الشهر. Uniquement l'électricité de la mosquée 2500 euros par mois. ويعني الأخ أظهر لي في آخر فاتورة 15000 ديال التدفئة. Le frère, le responsable financier m'a montré juste avant le vendredi une facture de 15000 euros qu'il faut payer du chauffage. إنه مسجدكم الكبير والمسجد الجميل. C'est votre grande et belle mosquée. الذي أصبح مزارا للعلماء والشيوخ. Une mosquée qui est devenue un lieu de visite des grands savants et des grands sheikhs. وأصبح معروفا في العالم بموقعه, qui est devenu célèbre et connu dans le monde entier grâce à son site électronique. المسلمون في أوروبا, إفريقيا, أمريكا, آسيا, حتى في أستراليا ينتفعون من دروسه. Les musulmans dans le monde entier, en Europe, Afrique, Amérique, Asie et même en Australie bénéficient de ces cours. وكثير من المسلمين بفرنسا أو بلجيكا, beaucoup de musulmans ici en France ou en Belgique, يتمنون لو كانوا يعيشون معنا. Ils souhaitent s'ils vivaient avec nous. Ils me disent toujours cela. فهنيئا لكم بمسجدكم. Félicitations à vous pour votre mosquée, cette belle et grande mosquée. ولكن لا تنسوا مساعدته ماليا. وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير. Mais n'oubliez pas de l'aider, ça veut dire votre mosquée, financièrement, et que Dieu vous bénisse. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, يا رب نسألك في هذا اليوم شيئا واحدا. يا رب جملنا بالصبر والرضا عند الابتلاء. اللهم لا تبتلنا بما لا طاقة لنا به. اللهم ارحمنا عند البلاء. اللهم لا تجعلنا نشتكي لغيرك، اللهم اجعلنا لا نشتكي ولا نبث حزننا إلا إليك يا الله، وارفع عنا ما ضرنا وما ضر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف المرضى في هذا اليوم، اللهم اشف المرضى في هذا اليوم، اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات في هذا اليوم، اللهم ارفع البلاء عن الفلسطينيين وعن جميع المسلمين في هذا اليوم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعن أزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.